Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM 107 MHz, radio libre et locale, locale et libre, comme vous voulez. Les deux sont, c'est important, hein, oui. Qu'on soit local, oui, mais surtout libre, hein. Ah oui, c'est ce qui est important, la liberté, surtout par les temps qui courent. Alors, cette émission calendrier des esclavages et des libérations. Calendrier des esclavages et des libérations. Hein, voilà. Bon, on est tout de suite. Vu le titre, hein, on comprend à quoi s'attendre, hein, bien sûr. Alors, le calendrier, oui. Un article sur zéro chômeur. Jean-Luc Mélenchon, ne vous laissez pas endormir. Ne vous laissez pas endormir. Oh, quel conseil! Ne vous laissez pas endormir. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon encore contre Zemmour. Eh oui. Jean Moulin, unification de la résistance. Très important. C'est du passé, mais c'est un passé qui est très proche de notre présent et peut-être même de notre avenir. Eh oui, si on vote mal, les choses peuvent se passer mal et même très mal pour nous. Pour notre génération, pour la génération de nos enfants et celle de nos petits-enfants. Alors, faut faire très attention avant de mettre le bulletin dans l'urne. Il faut bien réfléchir aux conséquences à court, moyen et long terme. Jean Moulin, Klaus Barbie, hein, la suite un peu de la séquence précédente. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, passe vaccinal, contrôle d'identité permanent. Oui, c'est une forme de flicage de la totalité de la population par une autre partie de la population qui n'est pas du tout légalement accréditée à faire ce genre d'opération. Hein ? Ben non. Enfin, bon, Jean-Luc Mélenchon Blanquer, nouvelle religion, le covidisme. Hein, c'est une nouvelle religion, le covidisme. Et puis, ben, une petite revue de presse pour finir. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Le calendrier des esclavages et des libérations, le 28 février. 28 février 1838, au Canada, lors de la révolte des Fils de la Liberté, les patriotes réfugiés aux États-Unis proclament l'indépendance de la République du Bas-Canada, c'est-à-dire le Québec, la séparation de l'Église et de l'État, 1838, la suppression de la dîme, l'abolition des redevances seigneuriales, le suffrage universel, y compris pour les hommes rouges. Eh oui, souvent les Indiens, ils étaient avec les Français contre les Anglais, hein, dans les guerres qui ont secoué le Canada à cette époque-là, le Canada et les États-Unis. 1848, France, début des ateliers nationaux pour des travaux de terrassement. 40 000 ouvriers en mars, 100 000 en mai. 1899, France, un comité électoral radical socialiste s'est formé à Mont-sous-les-Mines, mais la bande à patins, entre guillemets, bande à patins, au service des patrons, saccage les locaux et ramène de force les orateurs au train. 1925, Kurdes, Turquie, soulèvement des Kurdes réprimés durement par les forces armées turques. Eh oui, les Kurdes, ils ont été souvent victimes. 1926, Allemagne. Au club national des gros bourgeois de Hambourg, Hitler déclare, deux points ouvrant les guillemets, c'est lui qui parle, cette grande masse stupide qui combat comme des fous pour le marxisme est la seule arme pour le mouvement qui veut briser le marxisme. Fermons les guillemets. Tout rapprochement avec des discours tenus par des politiciens actuels, non, aucun rapport. 1933, Allemagne. Hitler obtient du président Hindenburg la signature du décret-loi pour la protection de l'État et du peuple, entre guillemets, la protection de l'État et du peuple. C'est lui qui parlait. Il gouvernera grâce à ce décret jusqu'à sa mort en 1945. Ce même jour, Bertolt Brecht, poète révolutionnaire, émigre en France en 1933. Donc, le peuple français, le gouvernement français ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Hein, Bertolt Brecht a quand même bien mis tous ces gens-là au courant de ce qui se passait en Allemagne et de ce qui risquait de se passer dans toute l'Europe, et même pire. 1936, Espagne. Selon un décret, toutes les organisations patronales doivent réadmettre tous les ouvriers, employés ou agents congédiés depuis le 1er janvier 1934 à cause de leurs idées ou à la suite de grèves à caractère politique. Il arrive que des grèves aient un caractère politique, et se peut-il qu'une grève n'ait pas de caractère politique du tout? Bon, faut voir, faut se poser la question. Faut trouver des réponses. 1974, Grande-Bretagne, échec des conservateurs aux élections législatives. 1981, République fédérale d'Allemagne, parce qu'il y avait encore deux républiques en Allemagne, il y avait la RFA et la RDA. Plus de 100 000 antinucléaires manifestent devant la centrale de Brockdorf. 100 000 manifestants devant une centrale nucléaire en Allemagne en 1981. Et en France, y avait-il des manifestants devant les centrales nucléaires? 128 policiers sont blessés. Avant la famille Tutsi, aller voir la famille Hutu, y avait pas le moindre souci, ils se faisaient des poutous, ils se tenaient par la main, évoquaient les lendemains, parlaient du prix du manioc, prêtaient volontiers leur coque. Mais le monsieur qui vend des canons est venu leur dire non de non. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Tutsis que les Hutus se prennent pour les Manitous, et aux Hutus que les Tutsis ne rêvent que de les voir oxy. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire, une Kalachnikov ou un missile rendent les femmes des ennemis dociles. D'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux, et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom, plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Serbes qu'un Kosovar, ça vaut pas un pet de canard. Il y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire, avec le Coran ou l'Évangile. On obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dattes. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend des canons a dit battez-vous car sinon. Mais mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi, l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle, et bien entendu même les pucelles, qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU. Contre le chômage, avons-nous vraiment tout essayé ? À cette question, Patrick Valentin se plaît à répondre par la négative. Cet ancien responsable de la métallurgie, reconverti il y a 20 ans à la philanthropie, s'est donné pour mission d'éradiquer le chômage de longue durée. Pour ce faire, il imagine une entreprise d'un nouveau genre qui n'aurait pas pour but premier de faire du profit, mais de créer de l'emploi. En 1994, c'est à Seiches-sur-le-Loir que naît la première tentative d'entreprise à but d'emploi. Le projet se veut simple mais radical, reconvertir les dépenses liées au chômage de longue durée pour subventionner de l'emploi. Les activités choisies par les salariés en fonction de leurs compétences et de leurs envies doivent répondre à des besoins inassouvis sur le territoire. Toutefois, la loi rend impossible le financement de l'expérimentation qui tombe dans l'oubli. Ce n'est qu'en 2016 que le projet trouvera un cadre légal grâce au soutien d'ATD Quart Monde et du député Laurent Grandguillaume. Suite à l'adoption d'une loi expérimentale visant à résorber le chômage de longue durée, 10 territoires zéro chômeur sont nés à travers la France. Aujourd'hui, ce sont 50 nouveaux projets qui sont sur le point d'intégrer à leur tour le dispositif. Il paraît donc pertinent de faire un bilan de ces premières années d'expérimentation, car si l'idée a su largement convaincre, une part d'ombre demeure. Entre attaque de la fonction publique et management autoritaire, une question se pose. Zéro chômeur, à quel prix ? Une enquête signée Léo Florence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première partie du podcast Zéro chômeur à quel prix ? Vous êtes sur le point de découvrir le récit de Bénédicte Zanko, salariée et déléguée syndicale CGT dans l'entreprise à but d'emploi émergent à Villeurbanne. Elle explique comment ce qui semblait être une opportunité de rêve s'est transformé en une mascarade. Vous entendrez aussi le témoignage de Laurent Grandguillaume, président de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. C'est lui qui a porté l'expérimentation à l'Assemblée nationale en 2016. Il était alors député du Parti Socialiste. Un regard croisé donc autour d'une expérimentation qui continue de convaincre sur des mots d'ordre pas toujours respectés. Donc Laurent Grandguillaume, je suis président de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Lorsque j'étais député de la Côte d'Or, au début de mon mandat, j'ai rencontré des bénévoles de l'association ATD Quart Monde, dont Patrick Valentin, qui sont venus me rencontrer en me disant, voilà, nous on a une idée simple qui consisterait tout simplement à financer des activités nouvelles en mobilisant le coût du chômage. Alors, au début, je me suis dit, bon, cette idée est intéressante, elle est simple, mais après, comment on la met en œuvre ? Donc j'ai réfléchi plusieurs mois, voilà, sur la base de documents qu'on m'avait transmis, d'études macroéconomiques aussi, sur le coût du chômage, comme en France. Et après, je les ai revus, ouais, et puis je leur ai dit, bah, écoutez, votre idée, effectivement, est utopiste, mais elle est réaliste. Et donc, c'est une utopie réelle, finalement, que l'on doit pouvoir tenter et expérimenter. Et donc, j'ai proposé de porter une proposition de loi au Parlement pour permettre à l'expérimentation de se dérouler dans 10 territoires en France. L'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée consiste en une idée simple, c'est qu'on peut mobiliser le coût du chômage de longue durée, hein, qui est supporté par l'État et par les collectivités territoriales, pour financer une part de nouveaux emplois sur des activités qui n'existaient pas dans un territoire et qui vont se développer donc en entrant en concurrence avec aucune activité présente. Moi je m'appelle Bénédicte Zanko. Je suis déléguée syndicale à la CGT dans l'entreprise émergent. Ils nous prenaient en fait sans CV. Donc en fait, on avait des entretiens collectifs où ils nous expliquaient ce qu'on allait à peu près faire, leurs projets, tout ça. Et à la fin, ils nous recevaient individuellement pour en fait, à défaut de toucher du chômage, du RSA, des aides sociales, vous voyez, des choses comme ça. Ils nous proposaient un boulot au SMIG en création d'activité. Il fallait être non concurrentiel. Donc ça veut dire que si par exemple dans le quartier, ben, il n'y avait pas de d'onglerie, eh ben, tu pouvais proposer un service d'onglerie. Si par exemple il n'y avait pas de couturière, eh ben, tu pouvais faire de la retouche. Une activité en fait qui n'était pas en concurrence avec le périmètre. On leur demande ce qu'elles veulent faire. Et donc elles expriment ce qu'elles veulent faire. On leur pose rarement la question. On leur dit souvent, on rentre dans cette case, là, voilà, ou n'y rentrez pas, mais en tout cas, elles n'ont pas le choix. Là, elles ont un choix, puisqu'on leur demande ce qu'elles veulent faire. Et donc, à partir de là, on croise ce qu'elles veulent faire et les besoins du territoire. Et c'est là qu'on trouve, justement, des activités qu'on appelle dans l'interstice, c'est des activités qui ne sont pas développées, mais qui vont bénéficier à des entreprises, à des collectivités, à des acteurs du territoire. Et donc, ces activités se développent. Personnellement, j'étais restée 2 ans et demi au chômage. Donc je me suis dit quand même un boulot près de chez moi, au SMIG, t'as pas de frais de transport, à mon âge, c'était une bonne opportunité en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Un droit à la formation, quoi rêver de mieux ? Hein, c'est vrai, dans ma cité, il y a des gens qui n'avaient jamais travaillé en France. Il y a des gens qui parlent pas bien le français. Donc c'est comme si qu'il y avait des messies qui arrivaient dans notre cité, en fait. Ils nous donnent du boulot, ils nous proposent des formations. Tu peux que signer, en fait. Ou alors, il faut vraiment que tu sois le plus gros défaignant qui veut jamais rien faire de sa vie, qui signe pas, tu vois. Et donc, au début, c'était comme ça. On est monté à plus de 40 salariés. Parce qu'au départ, on était 9, 11. Après, on est monté à plus de 40. Et après, tout a changé. On nous enlevait les activités qu'on avait créées petit à petit et on nous faisait faire de la sous-traitance. Ça veut dire que, par exemple, au lieu de travailler dans ton secteur, tu partais à Saint-Priest tirer des caddies pour le Roi-Merlin. Tu faisais des prestations, mais extérieures. Par exemple, il y a du lavage auto, là, mais c'est du lavage auto pour le Grand Lyon. On s'est aperçu qu'en fait, c'était pas ce qu'ils nous avaient vendu dès le départ, quoi. Que c'était qu'on changeait complètement de fonctionnement. Au départ, on était pris en estime. On voyait qu'ils étaient là pour nous aider, en fait. Je discutais avec le directeur et je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais avant, vous faisiez pas comme ça. Vous nous preniez quand même plus en. Tu sais, quand on parlait avec eux, ils nous prenaient en compte. Ils nous prenaient. Ils étaient à l'écoute. Et je me rappelle, il m'a fait un petit sourire. Il m'a dit, ouais, mais maintenant, on est beaucoup. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, on est beaucoup, ça veut dire que ça y est, quoi, en fait. C'est l'usine, maintenant. Vous voyez ? Et des fois, dans des discussions, ils disaient, faut qu'il y en ait qui sortent pour qu'il y en ait qui rentrent. Vous voyez ? Mais plein de petits propos comme ça, qui nous mettaient à la puce à l'oreille, où on voyait que c'était pas normal. À mesure que l'entreprise se développe, les activités mises en place par les chômeurs sont remplacées par de nouvelles tâches. Bien souvent, il s'agit de services de sous-traitance pour des entreprises publiques ou privées comme Leroy Merlin, La Poste ou Dot, un opérateur de trottinettes électriques pour lequel ce salarié de l'entreprise à but d'emploi travaille. Des patrouilleurs, et en gros, tu les donnes dans tout Lyon, tu ramasses ces trottinettes, tu scannes avec un téléphone de fonction, donc tu scannes le code QR, et après tu les remets en place, pour les gens, tu vois. Chez Dot, là, ils ont aussi des mecs salariés de la boîte qui font le même travail que toi. Ouais, en fait, ils ont des patrouilleurs, ils ont des chauffeurs, et en mode, voilà. Et nous, on est des petites mains. En fait, comme ils disent, les territoires zéro chômeur, c'est aussi fait pour faire le boulot que les autres veulent pas faire. Quand après, on va aux réclamations dans le sens où, moi, quand je suis rentrée au départ, c'était pour, par exemple pour moi, c'était pour faire de l'accueil et de l'esthétique. C'était pas pour aller laver des bacs à poubelles, pour aller faire du jardinage, ou pour aller trier des lentilles, ou pour aller à Leroy Merlin. Eh ben, on va me demander de relire mon contrat de travail, parce que mon contrat de travail, il est en polyvalence. Et c'est marqué que je suis capable de me rendre même disponible le samedi. Mais nous, quand on a signé les contrats au départ, on était tellement contents. Ils nous ont tellement vendu du rêve que nous, on n'a même pas lu nos contrats. On les a signés. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on t'endort pendant plus d'un an, dans tout ça et que t'es resté je sais pas combien d'années au chômage, tu regardes même pas ton contrat. Tu vois? Et qu'on te dise après, 2 ans après, bah, va relire ton contrat si t'es pas contente. Mais c'est exagéré. Au départ, moi, j'étais sur 3 jours de la semaine. Sur un poste d'accueil. Après, on s'est retrouvé à 3 sur le poste d'accueil. Aujourd'hui, à la fin, on était 7. En fait, à chaque fois, ils disent qu'il y a de l'activité, mais en vrai, on est souvent en sous-activité. Mais par contre, ils embauchent. Après, c'est bien, parce que ça donne du boulot aux gens. Mais le problème, c'est que, par exemple, au jour d'aujourd'hui, celui qui va rentrer aujourd'hui, à la rigueur, il va savoir plus ou moins où il met les pieds. Mais celui qui est rentré il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais au jour d'aujourd'hui, il est dans un piège. Il est dans un piège dans le sens où bah, c'est soit il se couche ou soit il retourne au chômage. Ces arrangements avec les promesses initiales du projet ont fait naître des tensions au sein de l'expérimentation, comme en témoigne cette salariée qui a souhaité conserver l'anonymat. Il y a beaucoup de conflits. En même temps, il y a une bonne ambiance avec certaines personnes, comme dans toute boîte, on va dire. Mais franchement, quand moi je vais là-bas, je suis stressée, quoi. J'ai une boule au ventre. C'est pas magnifique, quoi. J'ai pas, en gros, quand je me lève le matin, c'est pas ouais, trop bien, je vais aller là-bas, non. Il y a un moment, j'ai eu une période très difficile, vraiment très, très, très difficile. J'avais des idées noires, j'étais vraiment pas bien. La médecine du travail m'a carrément convoquée. J'ai dû aller voir mon médecin d'urgence pour aller voir des personnes tellement que je n'allais pas bien à cause du travail. En fait, la CGT, il disait que c'était contre l'expérimentation. Bah, jusqu'à ce jour, ils disent que moi, de toute manière, j'ai des mauvaises intentions. Mais après, c'est vrai que je pose des questions des fois qui les dérangent et je donne pas souvent les réponses qu'ils veulent entendre. Mais c'est pas une raison. Normalement, j'ai pas à subir ce traitement en fait depuis toujours. Ils ont déjà essayé de me licencier une fois. Ils ont essayé de me rendre inapte. J'ai eu plus de 4 rendez-vous à la médecine du travail pour me faire mettre inapte, alors que je suis loin d'être inapte. Après, j'ai eu mes 2 fils qui ont été licenciés. 2 syndiqués, ils étaient tous les 2 syndiqués, donc il y en avait un qui était même élu CSE. Alors ils invoquent de la violence, de l'agression, des menaces, alors qu'il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Et au départ, c'était des gentils garçons, d'une bonne famille, bien élevés. Et puis après, dès qu'il y a eu la CGT, c'était des racailles de quartier qui ne pouvaient plus tenir, qui étaient bons à rien. Heureusement que moralement, ils sont quand même... je les ai rendus forts, mes fils, quoi. Heureusement qu'ils sont forts dans leur tête, parce que, vous vous rendez compte, t'as pas de boulot, t'as 20 ans, t'as pas de boulot, tu rentres dans un truc comme ça, territoire zéro chômeur, un mec qui est un peu faible de caractère, tu te fais virer de là-bas comme un malpropre, tu te dis quoi, tu es plus bon à rien, tu te mets une balle dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est inadmissible. Ils sont là pour embaucher, ils sont pas là pour virer des gens. Alors eux, ils invoquent la violence, mais quelle violence? Jamais personne qui s'est fait frapper, ils ne sont pas insultés, ils ne sont pas crachés dessus. Je crois qu'ils ne savent pas ce que c'est la vraie violence en fait. Une violence, c'est pas dire non. On n'intervient jamais en tant qu'association dans la discussion, bien sûr. À l'intérieur de l'entreprise, on essaie de faire des propositions, de dire voilà, vous pourriez faire comme ça, essayer de. Enfin, il y a le dialogue social dans l'entreprise qui doit se créer, qui doit se développer. Et c'est pas ça dans une EBE, mais comme c'est pas ça dans toutes les entreprises, finalement, il y a un apprentissage qui se fait à ce dialogue social. Là où au début ils ont commencé, ils étaient 4 ou 5 vous voyez, dans l'entreprise, et après ils deviennent 50, 60, 70, on change d'échelle. Comment on s'adapte, comment on met tout ça en place. C'est des crises de maturité aussi d'une organisation. Donc je sais qu'il y a des choses qui ont été faites pour justement réinstaurer un dialogue, à réussir à sortir de cette situation de tension qui existait dans l'entreprise. Et effectivement, dans cette entreprise, il y a eu une tension. Mais après, j'ai envie de dire que, oui, quand il y a une difficulté de ce type, soit on met le couvercle et on n'en parle pas, soit au contraire, on essaie de comprendre pourquoi et de résoudre le problème. Et par exemple, j'ai eu une discussion, comme je disais, avec Philippe Martinez et Laurent Berger, pour dire comment on pourrait travailler ensemble pour favoriser justement ce dialogue social dans l'entreprise, pour proposer peut-être un accord d'entreprise idéal, oui, un modèle qui permette d'avoir ce dialogue social fort dans l'entreprise. Et donc on y travaille pour voir comment on peut justement, face à des difficultés qui ont pu être certes minoritaires, mais qui ont pu exister, c'est comment justement on invente ces espaces de dialogue pour le futur. Et donc j'ai demandé à ce qu'on puisse nouer un dialogue, en particulier avec la CGT, pour justement essayer de trouver des solutions à grande échelle pour éviter que ce type de problématique ne se reproduise, d'incompréhension et donc de confrontation. Mais après, il y a aussi la formation des managers. C'est-à-dire comment je fais dans une situation conflictuelle, comment je règle ces problématiques, comment je développe un management inclusif. Donc nous, l'association, ce qu'on a prévu de développer, et on est dessus en ce moment, c'est de développer des formations de management inclusif, justement, pour permettre d'avoir un collectif de travail où il y a une véritable dynamique sociale, où il n'y a pas de tension, et où on arrive à co-construire avec des parcours très différents, des histoires et des cultures aussi différentes pour y parvenir. En fait, on n'est pas que des collègues de travail, on est des voisins. Et le problème, c'est que ce rapport-là, même les sanctions qu'ils ont mis, l'ambiance qu'ils ont créée, en fait, au départ, c'était une bonne ambiance parce qu'on était entre voisins, entre collègues, ça se passait très bien. Et au jour d'aujourd'hui, limite, ils nous divisent. Tu vois ce que je veux dire? Ça crée des tensions, ça nous divise, en fait. Ça veut dire que, au lieu d'être proche, en fait, on devient moins proche. Parce que, par exemple, l'autre, elle va avoir peur de perdre son travail. L'autre, vous voyez, il y a beaucoup de... c'est pas du chantage, mais c'est comme si c'était du chantage, en fait. Voilà. Dès que tu dénonces, tu peux être sûr que pas longtemps après, il te tombe dessus. Par exemple, il y a un salarié, par exemple, le prestataire, il va venir vers lui, un prestataire, hein, c'est même pas le directeur. Hein, un prestataire, il va venir vers lui, il va lui dire, l'autre intel, il est pas là aujourd'hui, c'est toi qui vas le remplacer. Et puis le salarié, il va lui dire, moi, c'est pas mon boulot, moi, je peux pas faire ça, en plus, j'ai des problèmes de dos, je peux pas le faire. Et le prestataire, il va aller voir le directeur, il va lui enlever une journée de travail. Moi, j'appelle ça une sanction pécuniaire. Quand on développe une EBE dans un territoire où tout le monde se connaît, finalement, hein, où il peut y avoir d'autres tensions extérieures à l'entreprise, hein, c'est ce qui a pu aussi arriver, en particulier à Émergent, à Villeurbanne. Hein, il y avait des tensions aussi extérieures à l'entreprise qui venaient dans l'entreprise. Donc, c'est comment on sort de ces représentations dans le territoire. Voilà, c'est aussi du travail de longue haleine et qui n'est pas simple. J'ai quand même le directeur qui m'a quand même accusé d'harcèlement et qui a mené une enquête contre moi pendant 9 mois. C'est dur moralement à supporter quand tu sais que t'as rien fait. Hein. Attention, hein, faut être costaud. Hein. Quand il te fait venir une soi-disant un cabinet externe de Grenoble qui vient comme ça interroger tous les salariés, alors qu'à la fin c'est même pas un cabinet externe, il n'y a même pas eu d'enquête. Ça veut dire que pendant 9 mois, il m'a fait croire qu'il était en train de mener une enquête contre moi alors qu'en fait c'était tout du blabla. Déjà, le harcèlement, il n'était pas justifié. Je ne l'ai jamais harcelé. C'est suite à une intervention que j'avais faite par rapport à une salariée. En fait, c'est comme si toi, tu es salarié, je prends ta défense au moment voulu. Et au moment voulu, le directeur, il n'apprécie pas. Et le lendemain matin, il l'a déclaré comme quoi que je l'ai harcelé. Et à partir de ce moment-là, il a mené une enquête contre moi pendant 9 mois. Tu vois un peu le... Ça, l'inspection du travail, elle est au courant de ça? Oui, elle m'a dit mot pour mot. Elle m'a dit, Madame Zanko, il n'y a pas eu d'enquête. Ok. Pas eu d'enquête. Parce qu'en fait, c'est pas ça la procédure et il n'y a pas eu d'enquête. J'attends presque plus rien, en fait, d'eux. J'attends presque plus rien. Eux, ils disent que nous, à la CGT, les délégués syndicales de la CGT, on se croit de toute puissance, mais je pense que c'est plutôt eux qui se croient de toute puissance. Et je pense qu'on leur donne toute puissance, justement, pour faire ce qu'ils veulent. Moi, il fut un moment, je suis tombée malade à cause d'eux. J'ai cru, pourtant j'ai élevé 4 enfants toute seule, hein. J'ai jamais touché le fond. Et là, moralement, j'étais vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Et il y a eu un moment où j'en ai eu marre, j'ai dit, mais non, ça suffit, je vais aller porter plainte contre eux. Cette fois-ci, c'est moi qui vais porter plainte contre eux. Je me suis déplacée au commissariat de Villeurbanne, ils ont refusé ma plainte, j'ai failli limite prendre même un outrage. Elle m'a même menacée. Elle n'a pas voulu prendre ma plainte. Et elle m'a bien dit, mot pour mot, il y en a qui sont intouchables. C'était la première partie du podcast Zéro Chômeur à quel prix ? Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez dès à présent retrouver la seconde et dernière partie de cette enquête qui aborde la question de la concurrence faite aux emplois publics par l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Ils ont troqué leur colmar contre un joli costume trois pièces. Ils ont troqué leurs idéaux contre un petit attaché caisse. Citoyen de Paris, ma ville, la plage est loin sous les pavés. Vivez en paix, dormez tranquille, le monde n'est plus à changer. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur colmar pour une tenue plus libérale. Le vieux slogan du père Guizot est devenu leur idéal. Nos 68 arts en colère reprennent un refrain un peu banal. C'est enrichissez-vous, mes frères, en guise d'international. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur colmar et leur vieux look égalitaire pour un costume plus rigolo. C'est la chasuble humanitaire. Ils font la quête avec délice chez ceux qui n'ont plus rien à donner. Et pour établir la justice, s'en remettre à la charité. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, et les voilà vieux. Ils ont troqué leur colmar pour des tenues plus officielles. Depuis qu'ils fréquentent à gogo les cabinets ministériels. Ah, quel plaisir en redingote sur le perron de l'Élysée, de se faire lécher les bottes par des journalistes avisés. C'est toujours avec les jeunes imbéciles, qu'on le veuille ou non. C'est toujours avec les jeunes imbéciles qu'on fait les vieux. Je vous demande d'y réfléchir, si vous me permettez de donner un conseil. Ne vous laissez pas endormir par la soi-disante raison économique. Elle n'existe pas. Elle est juste un choix de classe qui permet aux uns d'avoir beaucoup, pendant que les autres n'ont rien, et pensent que c'est à cause d'eux-mêmes. Parce que la ruse du capital, qui représente peu de monde, je vais finir là-dessus, c'est de vous faire croire que vous êtes responsable personnellement de la situation. On vous dit qu'il n'y a plus de chômage dans ce pays. Comment vous êtes encore au chômage? C'est donc de votre faute. Et ainsi de suite. Vous êtes pauvre, mais comment ça, le pouvoir d'achat progresse? Vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Et puis ça a terminé, vous avez vu récemment. Vous êtes malade, c'est de votre faute. Parce que vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous n'avez pas réuni telle ou telle condition. C'est leur ruse de vous faire rentrer dans le crâne que vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bien sûr que vous êtes responsable. On est tous les auteurs de notre propre existence. Mais il ne faudrait pas faire croire qu'on est responsable de sa situation sociale. Parce que ça, c'est pas vrai. On n'est pas responsable de sa feuille de paye. Ça, c'est pas vrai. Alors, toutes ces choses, c'est le moment ou jamais de les faire vivre avant que ce monde ne vous précipite dans le trou aux applaudissements de ceux qui le dirigent. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Que voulez-vous que je vous dise quand je vois ce petit monsieur tout seul, qui nous tient lieu de président de la République, qui décide tout seul qu'il va créer 7 EPR de plus, et peut-être 14, alors qu'il n'y en a pas un qui a jamais marché, que ça va coûter un fric d'enfer, et que pour finir, on ne sait ni que faire des déchets, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que le niveau de la mer montant, un certain nombre de centrales dans ce pays sont déjà condamnées. Comment ce monde peut-il être aux mains de si peu de gens qui décident tant de folie? Eh bien voilà à quoi on essaye de répondre. Si j'étais riche, si j'étais riche, de moi, adieu la charrette, tous les jours j'ai riche, moi, je palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième, pour la joie. Et plein ma cour des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'envirait, car ça piaillerait, ça caqueterait. Et chaque quoi sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Si j'étais riche, et tous les jours j'ai si j'étais riche, moi, adieu la charrette, et Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche, moi. Oh, yeah. En toute hypothèse, le mieux, c'est que les gens ne partent pas de chez eux. Donc on s'occupe de ça. Mais à l'inverse, quand on commence à tenir le raisonnement que vous tenez, dont j'admets la rationalité, vous ne dites rien qui n'est pas rationnel. Mais je vous pose la question, vous faites comment, vous faites quoi? Les solutions amenées par M. Zemmour, moi je les trouve correctes. C'est quoi? C'est de bloquer les frontières, de... Comment? Parce que personne n'est capable de le faire. Personne ne sait comment on bloque une frontière. Je vais vous dire, vous voyez les gens qui passent là-haut, dans la neige? Oui. Franchement, faut avoir du caractère pour y aller. Il y a aussi les forces de l'ordre qui sont pas soutenues par le gouvernement. Non, mais attendez, les passeurs et les migrants, ils sont au bord du burn-out. Bon, je parle. Non, moi, je parle des Français. Oui, oui, d'abord. Oui, mais moi, je parle des êtres humains. Ils m'intéressent. Gaston Defer avait une blague qui était horrible. Il disait, écoutez, nous, on avait la Gestapo, la milice, la SS, et de l'autre côté, la garde civile franquiste, et on passait quand même. Vous ne pouvez rien contre la volonté qu'ont les gens de vivre. Vous ne pouvez rien. Par conséquent, vous n'avez pas d'autre choix que de vous adapter à la situation. S'adapter, c'est ma réponse. Un, que les gens puissent rester chez eux. Deux, quand ils partent, les accueillir dignement. Trois, se demander comment ils peuvent participer à l'effort collectif. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que la plupart d'entre eux travaillent, s'occupent de leurs enfants, tâchent de mener une vie digne et souvent vivent dans la peur. Que que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. Simple. De Gaulle n'est qu'un général rebelle qui ne représente personne. Un homme seul, sans pouvoir, sans armée ni territoire. Il va lui falloir tout créer, tout improviser et surtout acquérir une légitimité, c'est-à-dire être reconnu. Par les Alliés d'abord, mais aussi et surtout par les Français, afin d'incarner aux yeux de tous la France, toute la France. Comment relever un tel défi? L'homme qui fit le plus pour atteindre les objectifs de De Gaulle fut celui qui réussit à unifier les différents groupes de la résistance, Jean Moulin. Sa photo célèbre, prise avant-guerre, symbolise pour les Français l'essence même de la résistance. En 1940, il était préfet d'Eure-et-Loir, à Chartres. Il refusa de signer un document établissant que des villageois de Saint-Georges-sur-Eure avaient été tués par des soldats sénégalais de l'armée française, alors qu'ils avaient en réalité été tués par des Allemands. Il fut emprisonné et torturé. Redoutant de mourir sous la torture, il se trancha la gorge avec un morceau de verre, mais survécut et finit par être relâché. Prend contact avec les principaux mouvements de zone sud. Jean Moulin constate l'ampleur du travail réalisé par les premiers résistants, mais il prend aussi conscience de leur cruel manque de moyens. Fin 1941, il décide de se rendre en Angleterre afin d'obtenir de l'aide. À l'époque, De Gaulle connaît mal la résistance intérieure, mais il sait que s'il veut s'imposer comme seul chef de la résistance, il doit être reconnu et soutenu par les principaux mouvements de résistance en France. L'arrivée de Jean Moulin est donc une aubaine. Il sera l'intermédiaire entre la France libre et la résistance intérieure. De Gaulle fait de Jean Moulin son représentant direct et lui confie la mission d'unir les mouvements de zone sud et de les placer sous son autorité. En échange, la France libre leur fournira l'aide dont ils ont tant besoin, de l'argent et des armes. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin repart pour la France. C'est la mission Rex. Il réussit à persuader trois des principaux réseaux de la résistance en zone libre, le réseau combat d'Henri Freinet, le réseau libération d'Emmanuel d'Astier et les FTP communistes de Jean-Pierre Lévy, de travailler ensemble sous le titre de mouvement uni de la résistance. La partie militaire de ce mouvement fut baptisée l'armée secrète, conduite par le général de Lestrin, qui fit allégeance au général de Gaulle. Dans la zone nord, pas moins de 16 organisations s'unifièrent sous la bannière du Conseil national de la résistance, le CNR. Le 21 juin 1943, Jean Moulin fut capturé à Lyon par la Gestapo et finit par mourir entre ses mains. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noire. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans, et se découvrent en nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka Argentin et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient. Les cendres de Jean Moulin reposent désormais au Panthéon. Décembre 1964, 20 ans après la guerre, Jean Moulin a rendez-vous avec l'histoire. Le chef de la résistance entre au Panthéon. La nation découvre alors l'engagement d'un homme pour son pays, son supplice, entre les mains du chef de la Gestapo de Lyon. Depuis l'arrestation de Jean Moulin en 1943, le parcours du résistant et celui de Klaus Barbie sont remarquablement parallèles dans l'oubli et la lumière de l'histoire. Depuis l'après-guerre, la mémoire de Jean Moulin ricoche inlassablement sur celle de son bourreau, qui croyait ne jamais devoir rendre de compte pour ses nombreux crimes devant la justice française. 11 mai 1987, 13h05, Klaus Barbie fait son entrée dans la cour d'assises de Lyon. Et si ses parcours indissociables avaient contribué à la postérité de Jean Moulin? D'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Ne serait-ce pas là une singulière contribution à l'histoire? La scène se met en place le 11 novembre 1942. Au petit matin, les troupes allemandes envahissent la zone libre. Une riposte au débarquement américain qui vient d'avoir lieu en Afrique du Nord. Lyon se réveille sous la botte allemande. Sur ce territoire cadenassé, Jean Moulin et Klaus Barbie vont s'affronter dans l'ombre. Les mouvements de résistance font désormais leur nid dans les ruelles obscures de la ville, le temps de la clandestinité est venu. Pour Jean Moulin, nom de résistant Max ou Rex, le contexte a changé, mais la mission reste la même. Daniel Cordier l'a rencontré quelques mois plus tôt dans ce restaurant du centre de Lyon, le Garret. Jean Moulin avait besoin d'un secrétariat organisé et Cordier lui avait été recommandé. J'étais très préoccupé parce que je ne savais pas. Et je me dis, mais quel grade a-t-il ? C'est le patron. Est-ce que je le mets au garde à vous et tout ça ? J'étais préoccupé de ça pendant qu'il me parlait. Et il me dit, si vous êtes libre ce soir, nous irons dîner au Garret. En novembre 1942, Daniel Cordier, 22 ans, est le secrétaire du plus important résistant de France. Leurs rendez-vous ont lieu au parc de la Tête d'Or, en plein cœur de la ville. Un endroit parfait pour échanger des instructions vitales. Jean Moulin est le représentant de De Gaulle dans la France occupée. Sa mission consiste à unir les mouvements de résistance sous l'autorité du général. Pour agir, il utilise une couverture. Il est marchand d'art. Mais dans la vie, c'est un ancien préfet de la République. Il a 40 ans. Moulin était un responsable politique et qui connaissait très très bien tout le personnel politique de la Troisième République, qui avait des amis, qui avait des sourds. Bon, c'était un républicain, et donc le général de Gaulle, ce que l'on savait de lui, était très inquiétant. Oui, il y avait une armée, mais c'était quoi cette armée? On ne savait pas en France. Ouais, je vous parle de 1941. Et donc, la première question, quand il a vu le général de Gaulle, c'est que, est-ce que vous rétablirez la République? L'homme qui tient le destin de la résistance intérieure entre ses mains est donc un haut fonctionnaire à l'âme patriote, ainsi qu'en témoignent ces images sonores uniques. Jean Moulin accueillait alors au Bourget une pionnière de l'aviation. Maryse Bastier, je félicite en vous l'aviatrice et je félicite aussi la charmante ambassadrice qui a su porter au-delà des mers le vrai visage de la France, souriante et pacifique. Maryse, permettez-moi de vous donner la collade. En novembre 1942, Moulin et Barbie partagent le même territoire. L'Allemand est promu chef de la Gestapo, une récompense à ses talents de chasseur de juifs et de résistant en Hollande. Obersturmführer, Barbie. Ce jeune lieutenant SS de 29 ans qui va combattre l'armée secrète est un parfait élément du Troisième Reich. Spricht zu seiner Jugend. In unseren Augen muss der deutsche Junge. En 1935, l'année où Hitler prononce ce discours, Barbie entame une carrière fulgurante. Il est repéré par les services de renseignement du parti nazi. Il entre à la grande école de formation des SS. Barbie s'est forgé des convictions qu'il n'a jamais reniées par la suite. Son dossier est conservé aux archives à Berlin. Recense quelques rares documents, deux photos d'identité et ce certificat d'aptitude élogieux fourni par l'école DSS. Barbie est une personne intègre. C'est un travailleur qualifié, il est irréprochable et dispose des capacités à devenir l'un des meilleurs agents du service de sécurité. Barbie était un policier de profession. Et policier de profession, bah, il exécutait les tâches qu'on lui confiait. On peut les exécuter avec tolérance, on peut les exécuter avec fanatisme. Et il s'avère que il est le comble, on peut dire, du fanatisme policier allemand en France. S'il y a un policier nazi qui a laissé un nom, ce n'est pas Helmut Knochen, remarquable au point de vue intelligence, chef de la police nazie en France, mais c'est un chef régional de la Gestapo, donc un cadre supérieur, mais pas au plus haut niveau. Präsentier das Gewehr. Les données sont celles-ci. D'un côté, un policier fin limier de la Gestapo. De l'autre, un résistant républicain et déterminé. Vous prendrez rendez-vous avec Francis et Hermelin à 15h à l'hôtel de ville. Jean Moulin doit faire preuve de stratège, car il a déjà eu affaire à l'occupant. C'était en 1940, il était alors préfet en zone nord occupée. Et il connaît parfaitement les pratiques de la Gestapo. Il indiquait, si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire quelque chose de contraire à l'honneur, vous savez déjà que ce n'est pas vrai. Or, Moulin, rappelons-le, tente, après avoir été tabassé, tente de se suicider en se tranchant la gorge, pour ne pas avoir à céder un document infamant accusant à tort les troupes sénégalaises de l'armée française de massacres sur les populations civiles. Pour donner le change à ses proches, il se laisse photographier en compagnie du général allemand qui occupe sa préfecture. Mais désormais, il porte autour du cou un foulard qui masque ses blessures. Le gouvernement de Vichy sanctionne son refus d'obéir à l'occupant et le révoque. Ce télégramme d'interdiction de sortie du territoire circule dans toutes les préfectures. Jean Moulin, l'ancien préfet, est surveillé par Vichy. Max est traqué par la Gestapo. À la fin de l'hiver 43, la Gestapo, bien aidée, il est vrai, par la milice française, est passée maître dans l'art de tendre des souricières. Au mois de mars, non loin du restaurant où Daniel Cordier a pris l'habitude de retrouver son patron, un événement oriente Barbie sur la piste de Max. Sur ordre de Jean Moulin, Daniel Cordier doit retrouver des résistants pour une importante livraison. Je leur apporte 1 million, ce qui était quand même une somme assez considérable. Je leur apporte des tampons de faux papiers et des fausses cartes d'identité, des choses comme ça. Et j'avais mis tout ça dans mon imperméable et j'étais absolument... Le rendez-vous a lieu dans un appartement au dernier étage de l'immeuble, mais la Gestapo est déjà sur place. On a pris toutes les archives, ils ont arrêté, et l'état-major, ils ont arrêté une douzaine de personnes. Ils ont trouvé toute l'histoire de l'armée secrète et tout ça, et ils ont fait un organigramme, et je suis au centre. À l'annonce de ses arrestations, Max ne manifeste aucune émotion. La stature de chef ne peut offrir aucune brèche. Ses émotions, Jean Moulin les réserve à ses proches, sur sa terre de Provence. Quelques rares fois durant cette période, il s'y rendra, parvenant à lâcher ses obligations à Lyon. Il se repose alors dans la famille de sa jeune cousine Suzanne. Il venait là avec sa sœur, sa mère, et pour nous c'était toujours un plaisir et une joie quand il était là, parce qu'il était très gai, On le taquinait. J'entends encore son rire. Il avait une espèce de rire cristallin en cascade. Et je l'entends encore. Maman lui disait, tu nous parles de De Gaulle qui est à Londres, mais tu me dis que ça s'organise en France aussi. Comment faites-vous? Il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Mais ça s'organise quand même. Il doit y avoir un chef. Ben oui, lui disait, il y a un chef. Certainement, mais c'est l'homme le plus recherché de France, sûrement. Et ma mère l'avait en face d'elle. Votre nom ? Adrienne Delay. Les consignes en cas d'arrestation, c'est vis-à-vis de la Gestapo, il faut essayer de tenir en disant n'importe quoi 48 heures. Ou 24 heures, au-delà, bon, ça n'a plus d'importance, en principe. Parce qu'il fallait que les gens soient avertis pour changer les boîtes aux lettres, changer les confines et tout ça. C'est un homme brutal. Tous ne sont pas brutaux, hein. Il y en a d'autres qui procèdent avec plus de raffinement et qui font battre leurs victimes par des hommes de main. Mais lui procède aux interrogatoires lui-même. Halte ! Halte ! Comment c'est hier ? Terroriste ! Rampe ! Close ! Comment c'est hier ? Depuis le coup de filet du mois de mars, Barbie ne cesse de se rapprocher de la tête de la résistance. Jean Moulin en est conscient. Il sait que le temps presse. C'était au deuxième. C'est celle-là, là. Il voulait que personne ne connaisse mon adresse. Ah non, c'était quelqu'un de très prudent. Ces jours étaient comptés depuis longtemps, mais le problème, c'est que non seulement ces jours étaient comptés, mais ce qu'il avait fait, ce qu'il avait construit, est-ce que c'était la fin? C'était ça son inquiétude, parce qu'il se battait pour le général de Gaulle, pour que le général de Gaulle soit le maître de la résistance. 15 juin 1943. Mon général, notre guerre à nous aussi est rude. Début juin, le chef de l'armée secrète, le général de Lestrains, tombe aux mains de la Gestapo. Jean Moulin informe De Gaulle par courrier. Il relate son autorité contestée par les chefs de réseau de résistance, les coups bas dont il est l'objet, les arrestations, nombreuses. Il implore des renforts humains. C'est l'armée secrète qu'il faut sauver. Je vous en supplie, mon général. Faites ce que j'ai l'honneur de vous demander. Rex. Le 21 juin, l'état-major de la résistance se réunit chez un médecin à Caluire près de Lyon. Il faut nommer un nouveau chef à l'armée secrète. La réunion se tient à l'étage. Jean Moulin arrive en retard. La bonne le dirige par erreur dans la salle d'attente du bas, avec les patients. Au premier, les cinq cadres de la résistance gardent leur calme, et attendent leur chef. Parmi eux, il y a l'homme qui sera soupçonné d'avoir informé Barbie de la réunion de Caluire. Jean Moulin, au moment où il est arrêté, c'est un homme qui cumule des fonctions très importantes, qui vient de réussir quelque chose d'essentiel avec la fondation du Conseil national de la Résistance. Et donc, c'est un, dans le dispositif de la résistance intérieure et extérieure, c'est vraiment une pièce cruciale. Donc, l'arrestation de Caluire, au-delà de l'anecdote, au sens où on arrête des gens, mais il y a beaucoup de chutes dans la résistance, c'est une parmi d'autres, c'est quand même un événement de première importance. Donc, il n'est pas anormal que le coup de filet réalisé par Barbie ait focalisé l'attention sur Moulin et donc par ricochet sur, j'allais dire, l'obscur fonctionnaire du SD ou de la Gestapo qui était Klaus Barbie. Je m'appelle Jacques Martel. Alors Thomas, tu étais plus gai hier au pont Morand. Où est Max? Angelo. Où est Max? Los, schnell! Schnell, los! Los! Schnell! Barbie arrête tout le monde, mais il ignore encore qu'il tient Jean Moulin. Quant au délateur présumé, René Hardy, il parvient à s'enfuir. J'étais assommé, j'étais perdu, j'étais... C'était quelque chose que je craignais, mais que je n'avais... Je pensais que moi, je serais arrêté, ça, sans aucun doute. Mais Rex, c'était le patron. C'était pas possible. C'était pas possible, parce que... c'était pas possible. Jean Moulin, là. Der Gefangenen, Jean Moulin, kommt. Deux jours après l'arrestation de Caluire, Klaus Barbie découvre l'identité de Jean Moulin. Un des résistants arrêtés a parlé sous la torture. Jean Moulin est détenu à Montluc, la prison allemande de Lyon, où s'entassent dans la crasse et la peur des juifs, des résistants, des femmes, des enfants. Le martyr de Jean Moulin va marquer le cours de l'histoire et nourrir la mémoire comme une plaie qui ne cicatrisera jamais. C'est le moment le plus cruel de ma vie. J'ai eu une réaction d'enfant. Il faut aller à Lyon, je vais partir à Lyon, puis je vais le délivrer. Enfin bon. Non mais c'est n'importe quoi. J'étais à Paris, je ne savais rien. Je ne savais rien de la Gestapo. Je ne savais rien de Barbie, je connaissais son nom. et avec qui et comment, etc. Bon. Alors, évidemment, de la part des résistants, personne. Personne. Parce que là, il faut dire quand même la vérité. La disparition de Moulin, c'était la liberté de la résistance. Il faut le dire. Monsieur Moulin. La Gestapo à Paris vous demande. Barbie a une bonne réputation, mais quand même à Paris, Bemelbourg, chef de la Gestapo à l'échelon national, note qu'il a torturé à mort Jean Moulin, qui aurait pu, s'il avait été interrogé d'une autre façon, dans la tête de Bemelbourg, donner beaucoup de renseignements, et il le lui reproche. On ne l'a pas su tout de suite, vous savez, c'était pas comme maintenant, du matin au soir, on sait ce qui arrive. Je me souviens de ma mère, elle a cru longtemps qu'il était resté prisonnier en Allemagne. Daniel Cordier poursuivra sa mission à Paris sous une autre autorité. La nouvelle de l'arrestation de Caluire s'est répandue parmi les chefs. Le coup est terrible, mais il s'en accommode. Le Conseil national de la résistance a perdu son président, il en nomme un autre. L'urgence devient l'après-guerre. Jean Moulin n'est finalement qu'un nom sur la liste des milliers d'exactions imputées à Barbie. Torture, déportation, assassinat de masse. 120 corps seront découverts dans cette fosse près de Lyon. Jusqu'en août 1944, jusqu'au tout dernier moment et alors que la guerre est perdue pour l'Allemagne, le chef de la Gestapo inflige la mort avec la conscience fanatique du devoir à accomplir. La libération est proche. La Gestapo de Lyon lève le camp et emporte avec elle à Berlin les archives de presque 2 ans de crimes dans la région lyonnaise. Klaus Barbie quitte Lyon et il n'y reviendra pas de sitôt. Dans quelques semaines, il retournera à la vie civile en Allemagne. Un nouveau nom. Un nouveau départ. Et un passé à faire disparaître. Étrange simultanéité de destin. Klaus Barbie plonge dans l'anonymat et Jean Moulin tombe dans l'oubli au même moment. Tous deux disparaissent de l'histoire dans l'euphorie et l'amnésie de l'après-guerre. Dans dans ce pays à reconstruire, qui pense encore à l'ancien chef de la résistance? Même ceux qui ont travaillé à ses côtés préfèrent taire son rôle. Et de Gaulle au pouvoir se contente du minimum de reconnaissance dans les citations d'après-guerre. Jean Moulin, dans les années 45, est très difficilement adaptable aux deux groupes majoritaires, mémoriels, que sont les gaullistes et les communistes. Jean Moulin trouble ce jeu, quelque part, trouble ce jeu. Et on voit bien la difficulté d'émergence de Jean Moulin dans la mémoire. Les chefs de la résistance, pour eux, Moulin n'existait pas. Et ceux qui étaient les ministres du général de Gaulle, c'était les chefs des mouvements de la résistance. Moulin, ça n'existe pas. Des articles de presse ou des cérémonies s'efforcent bien de faire vivre son nom, son combat auprès de Gaulle. Mais cela reste une mémoire périphérique qui ne mobilise pas au plus haut niveau de l'État. Il y a la somme des hommages locaux, régionaux ou nationaux ou ministériels. Et ce qui est indéniable aussi parmi les autres hommages, c'est de remarquer que tous les endroits où il était en poste, lors de sa carrière dans l'administration préfectorale, eh bien, dans les années 50, chacun des endroits a sa plaque. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été oublié. C'est un autre événement qui va relancer le nom de Moulin et y associer directement celui de Klaus Barbie. C'est l'affaire de Caluire. La France s'apprête à juger l'ancien résistant René Hardy pour trahison. La justice veut savoir s'il est responsable de l'arrestation des cadres de la résistance, de Jean Moulin, en juin 43. Pour cela, elle cherche à entendre Barbie, comme simple témoin. Il est en Allemagne, en zone américaine, fréquente toujours d'anciens SS et vit d'expédients. La France réclame son extradition, mais les services de renseignement américains, plutôt que de le livrer, l'utilise comme agent. Barbie se présente comme un spécialiste des milieux communistes. C'est un homme d'une grande intégrité intellectuelle et personnelle. Il sait garder son sang-froid, il est fermement anticommuniste, c'est un idéaliste nazi. Son nom devient connu des Américains et leur pose un problème à partir du moment où la France le réclame et où ils se rendent compte que c'est un criminel qui est voulu par la France. La France veut son extradition, et elle veut l'entendre comme témoin en ce qui concerne l'affaire Jean Moulin. Alors, la France dépêche un envoyé spécial, un commissaire, qui l'interroge à Munich et à Francfort, dans les locaux de l'armée américaine. L'affaire de Caluire n'a jamais été vraiment close, d'abord parce que vous savez que c'est ce qu'on appelle en quelque sorte une énigme, c'est-à-dire qu'on a des présomptions assez fortes quant à savoir qui a pu donner cette réunion, etc. Mais on n'a pas de certitude, on n'a pas de preuves, la démonstration n'est pas faite, et donc il y a cet aspect d'énigme. Donc évidemment, ça concourt à faire que cette affaire est plus sensible que si elle avait été résolue, claire comme de l'eau de roche. René Hardy est acquitté à deux reprises au bénéfice du doute. C'est à présent la justice militaire lyonnaise qui réclame Barbie pour ses atrocités commises sur des combattants, des résistants, pour ses assassinats. Mais c'est à nouveau l'échec. Par deux fois, en 1952 et 1954, la justice le condamne à mort pour crime de guerre, par contumace. Barbie n'est pas dans le box des accusés. Dans un contexte de guerre froide, les Américains protègent leur agent qui en sait beaucoup sur eux. Ils refusent de le livrer à la France car le Parti communiste y est puissant et ne manquerait pas de lui demander des comptes. Ils préfèrent l'exfiltrer avec toute sa famille vers la Bolivie. Depuis qu'il a quitté Lyon, Barbie est insaisissable. Dans les années 50, seul son nom semble rappeler celui de Jean Moulin. L'État mettra encore bien du temps à sortir de l'amnésie. À la lueur des torches, une foule vibrante a escorté du mémorial de la déportation jusqu'au Panthéon où elles reposeront désormais les cendres de Jean Moulin. Hommage suprême à celui qui avait reçu pour tâche d'unir les mouvements de la résistance intérieure et qui devait périr dans d'atroces souffrances le 8 juillet 1943. Du jour au lendemain, cet homme qui n'était rien devient tout. C'est la résistance, c'est lui. Ce qui compte le plus pour Jean Moulin, c'est qu'il ait été gaullien jusqu'au sacrifice suprême. C'est l'artisan de la légitimation du chef de la France combattante qui a été le général de Gaulle. Et c'est cela qui prime. Comme une évidence bien tardive, de Gaulle, l'ancien chef de la France libre, rend hommage à son loyal combattant. De Gaulle est en fin de mandat. Il est pressé par des groupes de résistants qui font rejaillir la mémoire du passé. Jean Moulin, unificateur de la résistance, apparaît désormais en héros, politiquement partagé. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elle porte le deuil de la France et le tien. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Mais Malraux, c'est Malraux, c'est inimitable, c'est fou. Et ça a installé la résistance dans les souvenirs des Français. Une autre résistance. Pas la résistance de Brossolette, pas la résistance des chefs des mouvements et tout ça, mais cette résistance à la Malraux. C'est-à-dire idéal, irréel. La résistance des martyrs. On passe en effet du héros de la résistance à autre chose. On voit bien qu'on raccroche à Jean Moulin tout plein de choses. C'est à la fois le préfet de la République, le héros de la résistance, le martyr de la déportation. Ce discours tout juste parce que, au fond, il exhume le légendaire de la résistance. Et il montre que ce légendaire est fondé sur de petites choses, en quelque sorte, ou sur des souffrances infinies, mais qui sont pas très visibles. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que c'est un discours qui est très profond, qui va très au-delà d'une oraison funèbre classique. C'est le discours de panthéonisation dont on se souvient par excellence et qui touche y compris les gens qui, à l'époque, n'aiment pas De Gaulle. Le moment où la panthéonisation ouvre un champ de mémoriel pour Jean Moulin. Bien évidemment, Barbie va revenir dans ce jeu. Quelques jours après le Panthéon, la France promulgue une loi sur le crime contre l'humanité. Elle est imprescriptible, du sur-mesure pour espérer juger Barbie pour ses atrocités sur des civils. l'ancien chef de la Gestapo est toujours en Bolivie. Il vit sous une fausse identité. En juin 1943... Au journaliste Ladislas de Hoyos qui le retrouve et lui demande s'il connaît Jean Moulin. Voici ce qu'il répond en français. Je ne connais pas le seigneur Moulin. Moulin, c'est un vieil. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Les empreintes digitales que le journaliste recueille sur la photo vont permettre de confondre l'ancien nazi. Il s'agit bien de Klaus Barbie. Quand en 1971, les poches pleines de photos et de documents d'archives, Bert Karsfeld et de jeunes Allemands qui consacrent sa vie à la chasse aux nazis découvrent Barbie Altman en Bolivie. Serge et Bert Karsfeld cherchent à le faire revenir en France, au nom de ses innombrables victimes juives. Pendant plus de 10 ans, le couple le guette, le traque, resserre la pression autour de Barbie, alias Klaus Altman, citoyen bolivien protégé par le pouvoir en place. L'opinion publique, elle voulait que Barbie revienne à partir du moment où elle a su que Barbie était Barbie et qu'il y a eu beaucoup d'articles sur ce qu'il avait commis pendant la guerre. Oui, la population voulait que Barbie revienne à la fois, je dis pour Jean Moulin, et à la fois pour les enfants d'Izieux dont nous avons parlé pour la première fois. Quand Serge Klarsfeld et sa femme se mettent en chasse de Klaus Barbie, il est bien clair que celui qu'il traque, c'est un criminel contre l'humanité. C'est quelqu'un qui a arrêté des enfants, qui les a fait déporter, assassiner, c'est ça dont on parle. Mais évidemment, c'est indissociable du Barbie, chef de la Gestapo à Lyon et tortionnaire de Jean Moulin. Dans la nuit du 4 février 1983, à la faveur d'un retournement politique, la Bolivie accède enfin à la demande française. Barbie est expulsé vers Lyon. Mais c'est directement au Fort Montluc, l'ancienne prison militaire où il avait lui-même interrogé et torturé les résistants de la région, que Barbie a été transporté. L'incarcération symbolique dans la prison. Vous avez eu envie de voir son visage à la télé, tout ça? Bon, je l'ai vu à la télé comme tout le monde. Tous les reportages qu'il a pu y avoir, c'est tout. Et alors, quand vous avez vu son visage? Et le personnage ne m'intéresse pas. J'ai eu la possibilité de le voir, de lui parler et tout, mais ça me fait horreur. Horreur. Quand on fait rentrer Barbie, toutes les questions qu'ils ont posées, il y a Moulin au centre, y compris à l'Élysée. Nous faisons rentrer Barbie parce que c'est quelque part une complémentarité dans les gestes mitterrandiens avec la recréation du 8 mai en septembre 81. Regardez les dates. Donc nous recréons le 8 mai. L'affaire Barbie rentre comme un prolongement de ces politiques-là. Jean Moulin est au centre. C'est-à-dire que c'est des politiques de la résistance. En mai 1987, 42 ans après la guerre, le procès de Klaus Barbie s'ouvre enfin à Lyon. Ce 11 mai, l'histoire prend place dans une cour d'assises. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Quand Barbie revient en France, On sait qu'il ne sera pas jugé pour la mort de Jean Moulin, parce que c'est un crime de guerre et que ce crime-là, il est prescrit. Donc on sait que ça ne peut pas être une charge contre lui. Et donc il sera jugé pour crime contre l'humanité, qui est un crime imprescriptible. Mais, évidemment, ça n'empêche pas du tout qu'on ne cesse de parler de lui comme le tortionnaire de Jean Moulin. Donc, comment vous dire, juridiquement, Moulin ne peut pas être dans le procès qui va avoir lieu. Mémoriellement, il est évidemment dans ce procès. Pendant plus de deux mois, les victimes vont se succéder à la barre pour témoigner. Et ce regard-là, voyez-vous, je crois que tout le monde l'aurait reconnu, ce regard. Alors on m'a expliqué, les menottes à griffes avaient des griffes à l'intérieur, on posait une question, on serrait, c'était infiniment douloureux, j'avais l'impression que mes ongles allaient tomber. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Et j'ai commencé à comprendre alors vraiment ce que c'était que le crime contre l'humanité par l'exemple d'un détenu, un juif, qu'un sous-officier avait pris comme tête de Turc et auquel il avait enjoint d'apprendre la phrase suivante. Le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple aryen et il faut l'extirper. Les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des maquiseurs? Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents! Nous commençons un procès où on a bien le duo Moulin-Barbie. Et à la fin du procès, nous avons un duo Barbie-enfant d'Izieux. Et par là même, le procès de Lyon est un procès exceptionnel dans le temps mémoriel, parce que c'est le procès qui permet de voir à un moment donné la séparation entre le temps de la résistance et le temps de la Shoah. Klaus Barbie, qui a refusé d'assister à son procès, doit cependant y revenir à la fin. Il fait cette unique déclaration et on peut y entrevoir une allusion à l'ancien chef de la résistance. Je vous pose donc la question. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, monsieur le président. Quelques mots en français. Je n'ai pas commis la rafle d'Izieux. Je n'ai jamais le pouvoir de décider des déportations. J'ai combattu la résistance, que je respecte, avec dureté. Mais c'était la guerre. Et la guerre, c'est fini. Merci. Quand aujourd'hui on dit Jean Moulin, il y a peu de gens qui se demandent qui est ce Jean Moulin. Alors que parmi les gens qui sont au Panthéon, on serait bien en peine d'en citer plus de 3, 4 ou 5. Mais on cite invariablement Jean Moulin. Et je crois qu'il y a le discours de 64 qui explique ça, et puis la résurgence de mémoire liée au procès de 1987. L'audience est reprise. Bien. Accusé Klaus Barbie, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voici les réponses de la cour et du jury aux questions posées. Vu la déclaration de la cour et du jury, condamne à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. L'histoire a fini par rattraper Klaus Barbie. Il décède à Lyon en 1991. Jean Moulin est devenu un héros de la nation. Ce destin le ferait sans doute sourire, lui, l'homme du devoir qui se rêvait artiste, et qui a toujours préféré la discrétion à la lumière. C'est la maison que Jean Moulin avait achetée juste avant guerre. Il voulait y avoir un pied-à-terre et il avait trouvé cette petite bâtisse. Et il pensait après-guerre en faire un atelier de peinture pour venir se reposer parce qu'il disait après-guerre, je ne sais pas ce que je ferai. Et là, ce sera mon refuge. Quand l'histoire traverse des tempêtes, ne pas baisser le regard. Quand la mémoire grandit sur un abîme passé, surtout ne pas oublier. Se souvenir des engagements, des sacrifices des hommes, de la liberté chèrement acquise. Se souvenir. Vous distribuerez l'argent de Londres comme prévu. Et vous maintenez bien le rendez-vous de demain à l'hôtel de ville. Et pour que cette histoire ne se répète jamais. Jean ? Jean ? Résister. Résister à l'oubli. On va essayer justement avec vous de comprendre comment, à partir de ces témoignages, comment à partir de ces histoires individuelles, eh bien on reconstitue l'histoire de centaines de personnes qui sont passées entre ces murs. Alors si elle est très connue aujourd'hui, cette prison, c'est notamment parce que vous avez un résistant très important qui a été enfermé ici. Est-ce que vous connaissez son nom ? Jean Moulin. C'est un symbole. Enfin, ce qu'il a fait, c'était bien. Voilà. Plus courageux ? Ouais, voilà, courageux. Parce qu'il s'est pas caché. Héroïque. Ils sont jeunes et voilà. Ils ont quand même résisté et ils ont pas eu peur. Bien, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Quand on arrive à Buchenwald, les portes s'ouvrent, l'air vif revivifie les gars qui sont à moitié asphyxiés. Et on a devant nous les SS, mitraillettes au poing, et ils ont le droit de vie ou de mort sur nous. À partir de là, on n'a plus de nom, c'est terminé. Il faut dire ce matricule en allemand. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner ? Mais je crois qu'il faut que vous sachiez ce qui s'est passé, parce qu'un régime comme il y a eu, et qui a ensanglanté toute l'Europe, moi, je pense qu'il faut que vous sachiez ce qui s'est passé. Vous savez, la démocratie est fragile. La démocratie est fragile. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les meilleurs. Nous aimaient tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leur dés avait été jeté. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échappe vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. C'est un amendement de repli, comme vous le comprenez, puisque nous sommes hostiles à cette généralisation des autorisations de contrôle d'identité. Je comprends que ça ne dérange pas. Je l'admets, parce que je connais des gens qui sont comme ça, qui pensent que ce n'est pas un problème de se faire interpeller par quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui vous demande qui vous êtes et de le prouver par un papier sans que vous puissiez être en état de dire « Et vous-même, qui êtes-vous » Parce que quand j'irai boire ma bière, compte tenu de mon teint de peau un peu foncé, et de l'air louche qui est le mien, on pourra me dire « Je voudrais vérifier que c'est bien vous ». Et moi, je ne pourrais pas dire à la personne en face « Et moi, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, vous ». Ça ne vous dérange pas. Moi, ça me dérange. Je comprends ces deux philosophies de la vie. J'ajoute une chose. Ça a dérangé assez longtemps tous les législateurs de ce pays pour que, pendant de longues années, comprenant qu'aucun contrôle d'identité n'a jamais servi à rien dans aucune affaire, que la police est rencontrée. On est refusé de tels contrôles. Ils n'ont commencé à se généraliser qu'avec la lutte contre le terrorisme, notamment dans les années 80, et c'était strictement limité à certains périmètres, et encore fallait-il que le juge ait donné son autorisation. Puis, on a étendu ce droit aux officiers de police judiciaire, qui eux-mêmes, ne pouvant pas courir partout à tous les contrôles, l'ont délégué, c'est admis, à leurs collègues. Voilà quelle est la situation aujourd'hui. Elle n'en reste pas moins à reposer tout entière sur un principe de légitimité. Si c'est un policier qui vous interpelle, eh bien vous pensez qu'il est le représentant légitime de l'autorité de l'État. Mais de quelle représentation et quelle est la légitimité de quelqu'un qui vous demande vos papiers quand vous voulez boire un coup? Quelle est sa légitimité? Je voudrais simplement, peut-être pour vous faire sourire, imaginer une situation. Imaginez que ce soit un... Par hasard, il y en a si peu... Un travailleur sans papier qui vous interpelle pour vérifier votre identité. Vous voyez le comique de situation. Supposez qu'il le demande à un policier qui, justement, ce soir-là, sort en famille pour aller au restaurant. Voyez comme ce serait la cristallisation de cette image. Quelle est la légitimité de celui qui interpelle un autre dans la société, une femme, un homme, pour exiger de lui, sans qu'il puisse le refuser, tel ou tel comportement. L'autorité de la loi, l'autorité de ses représentants repose sur le principe de légitimité qui est que la source de l'autorité est ici parce que nous sommes les représentants du peuple souverain. Aucun cafetier ne l'est. J'ajoute que vous avez pris l'exemple, monsieur le ministre, que j'entends parfaitement, du contrôle de nos billets lorsque nous prenons l'avion. On vous a dit que c'est une situation assez rare pour qu'on ne puisse pas la généraliser. J'achève là-dessus. Mais de quoi c'est parti ? C'est parti du contrôle, de la volonté de contrôler à propos du terrorisme. Et quelle est

avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Une petite revue de presse? Bon, c'est vous qui voyez. Remiremont et environ, la Coquette est-elle une ville touristique? Point d'interrogation. Remiremont, les naissances et décès de la semaine. Alors, il y a eu 12 naissances, dont 2 de Remiremont et environ immédiat. Oui, on ne naît plus beaucoup à Remiremont. Hein? Non, ben, peut-être que la vie est chère à Remiremont, peut-être qu'il n'y a pas assez d'emplois, peut-être que... c'est pas. Hein? Il y a... Voilà. Hein, les gens n'ont pas envie d'avoir des enfants, ou n'habitent plus à Remiremont que des personnes âgées, hein, oui. Oh, je sais pas, j'ai pas l'explication, hein, vous l'avez sans doute. Ensuite, ben voilà, hein, c'est pour Remiremont. Et puis encore, quoi d'autre? Saint-Dabord, à la découverte du street art au centre de loisirs, street, S-T-R-E-E-T. Alors, j'ai pas la traduction, hein. Je sais pas ce que ça veut dire en français. Street. Bon. Je sais pas. Hein? Ah, oh, ben non. Ben, quand on sait. Quand on est ignorant, ben on est ignorant. Hein. Ben oui. Plombières-les-Bains, une étude vibratoire pour embellir le beffroi de l'église. Oh, ça ressemble à un message codé, vous savez, comme Londres, le gorille a mordu l'archevêque, etc. Hein, ouais. Une étude vibratoire pour embellir le beffroi de l'église. Là aussi, il faudrait la traduction. C'est du français, pourtant, mais... Une soirée pour continuer à défendre l'hôpital et la maternité à Remiremont. Mais oui, mais il fallait un pass vaccinal, un Ausweis, sehr gut, eh oui, nicht schlecht. Ensuite, France Monde, présidentielle, PS, la déflagration royale, et en appelant à mettre un bulletin Mélenchon dans l'urne, seul vote utile, Ségolène Royal pointe les faiblesses de son camp et ajoute du trouble dans une gauche qui peine à faire émerger une candidature de rassemblement capable de parvenir au second tour. Et la gauche, où est-ce qu'elle commence, la gauche? Où est-ce qu'elle finit? Qui peut se prétendre de gauche? Eh oui, on en a vu, des gauchos, des écolos, oui. tout ça, c'est pas brillant. Alors, tiens, bah, si, ce qui est brillant, ce sont les chiffres. Hein, les chiffres, ça trompe pas. La bourse, par exemple, hein, ADP, 132,65 euros, plus 17,08%. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Je sais pas. ArcelorMittal SA, 29,94 euros, moins 4,28%. Ensuite, EDF. L'action EDF vaut 8,14 €. Vous avez bien entendu, 8,14 €. Et elle a baissé de 21,20%. Oh, ça vaudra le coup d'acheter des actions EDF bientôt. Parce qu'après une baisse radicale comme ça, il va certainement y avoir une remontée au profit de certains et au détriment de certains autres. Ah oui, au profit du petit nombre et au détriment du plus grand nombre. Et c'est ça la nature, la loi de la jungle. Eh oui, les prédateurs mangent les proies, et par l'inverse. Alors, Klépierre, 26,20 €, plus 25,66%. Corian, vous savez, les maisons de retraite, hein. Alors, l'action vaut 17,71 €, et elle a baissé de 36,39%. Eh oui, quand quelqu'un sort un livre et qu'il apprend la vérité au grand public, ça peut faire du tort à certains capitalistes qui vivent du malheur, de la misère des autres. Orpea, Tiens, encore une boîte spécialisée dans le vol des cheveux blancs. Alors, les actions valent 36,71 euros et elles ont baissé de 58,33%. 58,33%, eh oui. Vous aviez une action à 100 euros, elle ne vaut plus que 40 euros. Et ben oui, bien fait pour vous. Jouer au capitaliste, c'est jouer... Enfin, bref. Hein, voilà, on ne va pas dire des méchancetés. Non. Une radio libre et locale. Alors, Renault, 36,33 euros, plus 18,92%. Ah, Renault elle remonte. Sartorius Stead Bio, les actions valaient 331 euros, elles ont baissé de 31,38%. Ah, tiens, ça va moins bien dans le monde de la pharmacie, depuis quelque temps, ça irait moins bien. L'avenir est-il moins brillant que le passé? Ben, ça nous donne une idée de ce que valent certains vaccins. Valneva, 14,73 qui valent réellement, c'est-à-dire pour la santé des gens, pas en bourse. Hein. Valneva, 14,73 euros, moins 39,88%. Hein, voilà. Hein, ben voilà, vous voilà averti. Hein, si vous avez de l'argent à placer, eh bien, faites attention parce qu'il y a des pièges. Ah, la bourse est un piège. Eh oui, ça peut être une loterie qui vous fait gagner énormément d'argent sans rien faire, sans travailler. Ou au contraire qui peut vous ruiner. Ah ben c'est comme ça, c'est la loi de la jungle. La loi de la jungle, pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Pour qu'il y ait des perdants, il faut qu'il y ait des gagnants. Eh oui, alors les gagnants c'est 5 à 10% de la population, et les perdants c'est les 90 ou 95% restants. Voilà, il faut choisir son camp. Remiremont, pourquoi n'y a-t-il pas de discothèque? Point d'interrogation. Alors ça, ça prend presque toute la page, hein, ah oui. À l'heure où les boîtes de nuit rouvrent enfin, il est bon de rappeler que le bassin de vie Romarie-Montain a connu plusieurs établissements nocturnes, mais jamais sur la commune même de la Belle-des-Vosges. Tiens, y avait-il quelqu'un qui n'aimait pas ça? Les patrons, je vais pas le nommer, les patrons se sont installés dans les villages voisins disposant de davantage de quiétude et de surface. BTP de démolition, une société de BTP porte plainte contre X. Les responsables de la société vosgienne Arche Démolition viennent de déposer plainte contre X dans le cadre des attributions de marché de démolition et de désamiantage d'anciens sites industriels en Lorraine. D'après Marcel Claude, en 2019, ce bureau d'études aurait été octroyé à une seule et même entreprise 80, aurait octroyé à une seule et même entreprise 85% du chiffre d'affaires des chantiers dont il était en charge. Un chiffre qui trancherait radicalement avec le nombre de chantiers que cette société a obtenu la même année auprès d'autres bureaux d'études. Un seul. Oh, attendez. Vous n'allez pas me dire que Sarkozy et tout ce qui ressemble à Sarkozy et à Macron et tout ça va se retrouver en prison dans 3 mois, quand même, hein? Nous autres, les contribuables, on va payer des gardiens de prison, on va payer des... etc., etc. Oh, là, on a déjà assez de frais comme ça, quand même. L'État est déjà... Oh, bon, enfin. Mort d'une randonneuse, la chasse de nouveau dans le viseur. Oui, 80, c'est le nombre d'accidents de chasse au total durant la saison 2020-2021, dont 7 mortels selon l'Office français de la biodiversité. Les victimes sont très majoritairement des chasseurs, 86%. Bon, pourquoi je dis bon, je sais pas, manière de dire. La chasse du grand gibier reste celle qui entraîne le plus d'accidents, 59% contre 41% pour les petits gibiers. Les auto-accidents reste au même niveau avec 29% des accidents. À noter cette saison, 3 autres auto-accidents mortels sur les 7 recensés. Eh oui, n'y a-t-il pas trop d'armes en circulation? Hein? Oui, des armes en tout genre. Est-ce que les gens ont besoin d'être armés? Est-ce que... c'est des questions, hein. On peut se poser toutes les questions qu'on veut. Et puis on trouve les réponses qu'on veut ensuite, qu'on peut. Ultra riche et Covid-19, le flash, le cash, pas le cash, pas le flash, le cash, C-A-S-H. Si vous avez un dictionnaire anglais à portée de la main, servez-vous-en. Coule à flot. La loi du marché reste la loi du plus fort, alors que le gasoil à la pompe, gas oil, à la pompe, frise les 2 euros, que la classe moyenne tire le diable par la queue pour finir ses fins de mois. 50% des plus pauvres dans le monde détiennent à peine 2% du total des propriétés privées, alors que 10% des plus riches sont propriétaires de 76% du total. Ah là là là. Les sondages font le tri. Curieuse campagne présidentielle. Comme éclatée entre plusieurs élections, l'une pour désigner le meilleur candidat de droite, l'autre le meilleur de gauche, face aux sortants, comme des primaires, dans l'arbitre ne serait pas l'électeur, mais le sondage. Les entreprises de sondage, il faudrait peut-être les contrôler, les nationaliser, qui sait, hein? Ben oui, parce que le sondage, c'est un truc... Vous commandez un sondage, ben vous avez le résultat que vous voulez, suivant la somme que vous avez versée. Ben, c'est normal, ça a marché. Ça a marché comme un autre, le sondage. Et ben oui, c'est le marché service qui se fabrique, qui s'achète, qui se vend. À sa manière inimitable, Ségolène Royal a mis les pieds dans le plat. Les électeurs de gauche doivent voter Mélenchon s'ils veulent voter utile, a déclaré Ségolène. Un gros plan d'investissement pour financer un carrefour giratoire à la Bresse. Un gros plan d'investissement. Bientôt un nouveau président et non pour l'Union des commerçants à Remiremont. Point d'interrogation. Bientôt un nouveau président, point d'interrogation. Pour l'Union des commerçants et artisans, accessoirement. Des capteurs de CO2 pour les écoles. Alors les forges. Ça c'est le titre, capteurs de CO2. Alors on aurait un moyen pour capter le CO2. C'est-à-dire qu'on passe un mètre cube d'air respirable dans un appareil et l'air qui ressort ne contient plus de CO2. On est capable de fabriquer ce genre d'appareil. On est capable. Bon, maintenant c'est pas si simple, parce que pour fabriquer un capteur de CO2, il n'y a rien de tel que la chaux vive. Hein? La chaux vive, elle ne demande qu'à attraper du CO2 qui passe dans l'atmosphère. Eh oui, comme ça, elle durcit, ça refait le calcaire d'origine, c'est-à-dire ça fait de la chaux. Hein? La chaux éteinte, ça fait du ciment, hein? Ciment porlant, etc. Voilà, donc chimiquement, c'est pas un problème insoluble du tout. Sauf que pour fabriquer la chaux vive, c'est ce qu'on a fait, on a chauffé du calcaire qui contenait du gaz carbonique, et en chauffant le calcaire en question, on a fabriqué de la chaux vive, c'est-à-dire de la chaux privée de son gaz carbonique, qui est parti où ? Ben dans l'atmosphère. Alors on ne fait que boucler un cycle, on crée du CO2, on capte le CO2, on recrée du CO2, on recapte du CO2. Alors il faut trouver un autre moyen encore, mais bon, il y en a, il y a moyen, oh oui. Nos financiers, s'ils financent les bons laboratoires, ils finiront par trouver la bonne solution. Les capteurs de CO2 pour les écoles. Un peu plus loin dans l'article, on parle plus de capteurs, on parle de détecteurs de CO2. Ben oui, détecter du CO2, c'est bien. Hein, c'est bien parce que, comme ça, on sait que quand il y a suffisamment de CO2 dans l'atmosphère d'une salle de classe, par exemple, ou d'une pièce de votre maison, ben, ça veut dire que c'est le moment d'ouvrir la fenêtre pour aérer, pour renouveler l'air, c'est-à-dire faire entrer dans le logement ou dans la salle de classe de l'air qui contient peu de CO2. Et puis d'éjecter l'air qui contenait du CO2. Simplement, pendant les 10 minutes d'évacuation qu'on nous recommande toutes les heures, évidemment, le chauffage, la chaudière, elle va tourner. Hein. Ah oui, si on renouvelle la totalité de l'air chauffé dans un appartement, oui, ça fait 10 mètres cubes qu'il faut chauffer à 20 et quelques degrés. Et bon, voilà, ça coûte un peu d'argent. Hein. Oui, un peu. Un peu, mais bon, on a, et puis après, on est en période électorale, tout va s'arranger. Voilà. Alors, scandale. Un eurodéputé effectue un salut nazi en plein Parlement européen. 16 février 2022. Ce mercredi 16 février 2022, Angel Dzhambazki, neurodéputé bulgare, a effectué un salut nazi en pleine session du Parlement européen. Un acte de plus qui confirme le retour du nazisme et du fascisme sur le vieux continent. Oh, c'est pas d'hier, hein. Attention, soyons très très prudents. Le climat depuis quelques années le confirme. Entre les politiques réactionnaires de pays de l'Est européens comme la Hongrie de Viktor Orban et la recrudescence des actions spectaculaires de l'extrême droite dans de nombreux pays d'Europe, l'extrême droite ne se cache plus. Eh non, elle ne se cache plus. Ils n'ont plus honte. Hein ? Les camps de concentration, Deuxième Guerre mondiale, non, c'est... Oh ben, non, on a oublié. Ben oui, l'électeur moyen, il est très moyen. Oui, on peut le rouler quand on veut, l'électeur moyen. Il suffit de laisser passer une génération, même pas. Voilà, il oublie, l'électeur moyen. Il mérite pas la moyenne. En France, les situations quotidiennes où le libéralisme impose l'anglais sont nombreuses. Industrie du divertissement, publicité, documents de travail dans les grandes entreprises ou encore pratique du naming de produits, etc. Et, comment ça est ? Naming, c'est écrit NAM, N-A-M-I-N-G. C'est naming ? Non, c'est naming. Ah bon, le A se prononce E. je savais pas, ça viendra. Hein. Formatage des esprits sur le modèle et la rente financière qu'il retire de l'imposition d'une langue unique mondiale, la leur, qui joue le même rôle que celui du billet vert. Et, ah bon, quel rapport entre la linguistique et la politique et puis la finance, hein? Le français dans le monde, en 2014, on estimait à 274 millions le nombre de locuteurs, locutrices du français, francophones et francophones partiels, confondus, répartis sur les 5 continents. S'y ajoutent 125 millions de personnes qui apprennent le français ou en français. Le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. La 3e langue des affaires est la 4e langue d'Internet. Les projections démographiques montrent que, en 2050, le nombre de locuteurs locutrices du français s'élèvera à 700 millions sur une population mondiale de 9,1 milliards, soit une personne sur 13. Environ 85% de ces francophones seront en Afrique. Le français est la langue officielle ou co-officielle de 34 pays. Il a également le statut de langue officielle ou de langue de travail dans la quasi-totalité des grandes organisations internationales, dont toutes celles de la famille de l'ONU, Organisation des Nations Unies. L'exception la plus notable, et elle est significative, est le Fonds monétaire international, FMI, où seul l'anglais a droit de cité, alors même que traditionnellement, les directeurs et directrices du FMI sont français, françaises, et nommés par la France. Hein ? Voilà. Bon, on a des gouvernants qui gouvernent, peut-être, voilà. Que ce soit en Suisse alémanique, où certains cherchent à remplacer à l'école le français par l'anglais, en Wallonie ou au Québec, l'anglicisation progresse dans les zones francophones. En Tunisie, le gouvernement envisage de remplacer l'enseignement du français par celui de l'anglais. La francophonie est donc un bien commun culturel et politique en évolution constante.